Protección de la naturaleza, radio. Vibration really massive, I rate. Made in unity. Big up pour les sound system, pour les DJ, pour les bandes qui viennent représenter le reggae. Made in unity. Freedom fighter tous ensemble pour lutter dans un seul but, tu le sais. Made in unity. En attendant, je sais pas se mettre dans la danse et de laisser monter la chaleur. Made in Unity au contrôle, prend toujours à cœur son rôle. So Rude Boy approche et n'aie pas peur. Venez goûter les good vibes, freak you in a this time. Tous sommes des bad vibes, tous ensemble pour le même travail. Faut qu'on avance unis, le mot donc c'est unity. Plus de bad boy au gouvernement dans nos cities. Ils nous poussent à bout, ils nous poussent à bout. Faut peser sur nos épaules le poids de leurs erreurs qu'ils commettent chaque jour. Alors tout le monde debout. Crache pas sur ton voisin, au galérien tends-lui la main. Aidons-nous les uns les autres pour un meilleur lendemain. Qu'est-ce que tu préfères cousin, main dans la main avec ton prochain, ou continuer à subir sans brancher les lobbies dont malsaines de tous ces problèmes. Quoi de plus kiffant que l'unité, reggae vibration, mais les massive irate. Made in unity. Big up pour les sound system, pour les DJ, pour les bandes qui viennent représenter le reggae. Made in unity. Freedom fighter tous ensemble pour lutter dans un seul but, tu le sais. Made in unity. Les textes sont mes munitions, l'espoir porté par le son. Tous dans la même direction, chantons à l'unisson. Je demande votre attention, écoutez mon élocution. Ne soyons qu'une addition, tous en parfaite équation. Je veux de l'agitation, entendre vos réactions sous aucune condition et dans n'importe quelle situation. Maintenant que tu connais mes convictions, je veux te voir bouger sur ce son. C'est sans donner de leçons, je n'en ai pas la prétention. Je partage l'émotion, telles sont mes résolutions. On se bat montre trop de déception et trop peu de réparation. Certains sont à saturation, je te donne ma solution. Made in unity à consommer, sans modération. Quoi de plus qui font que l'unité, reggae vibration, mais les massive irate. Made in unity. Big up pour les sound system, pour les DJ, pour les bandes qui viennent représenter le reggae. Les tempêtes et les orages, il faut tout donner. Quand je me lève le matin, je ne fais que me répéter qu'il faut que l'on soit soudé à la vie, à la mort pour de vrai. Pour ainsi commencer une journée pleine de volonté, la tête haute je dois garder et rester motivé. Encaisser les coups bas et ne penser qu'à avancer. La musique mon exutoire par lequel je vous fais danser. Quoi de plus qui font que l'unité, reggae vibration, mais les massive irate. Made in unity. Big up pour les sound system, pour les DJ, pour les bandes qui viennent. Protección de la naturaleza, radio. protección de la naturaleza, radio. El sol y la luna, sol, la luna y el sol, yo la luna. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Thank you. Aquel que se aplica a lo que debe ser evitado y no se aplica a lo que debe ser obtenido y abandona su búsqueda, abocándose a los placeres, envidiará al que ha procedido de modo contrario. Protección de la naturaleza, radio. Agua vital, purifícame. Fuego del amor, quema mi temor. Viento del alma, llévame al altar. Protección de la naturaleza, radio. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. The best of my love. The best of my time, energy. Boasting the finest strategies. Just to bring you happiness. Best of my time, energy. Maybe without apology, yes. Cause love is what I do best. Girl, upon your style, you got me hooked, yeah. Emotions that remind me of storybooks. Not to mention affection, will make me want to pay all your pension. Spoil you with all I've got. Only you get all my attention. You give me an equal reaction, need no chat. Beautiful girl, you know you've got the best of my love. Best of my love. Best of my love. You got the best of my love. The best of my time, energy. Boasting the finest strategy, yes. Just to bring you happiness. Best of my time, energy. Baby, without apology, yes. Love is what I do best. A picture of your smile's in my pocketbook. And every little while I take a look. All depends on the program. Sometimes the boss pulls on a watchman. 9 to 5 is a mess like that, yes. But one watch face me some mention. I don't come here for cause no tension. No back chat. Even out of sight, my girl has got the best of my love. Best of my love. The best of my love. You got the best of my love. My time, energy, boasting the finest strategy. Just knowing what I do best. Best of my time, energy. Love is what love I is do what best. I do. The best of my love. For best you. Of my. The best of my love. The best of my time, energy. Boasting the finest strategy, yes. Just to bring you happiness. Best of my time, energy. Baby, without apology, yes. Cause love is what I do best. Best of my time, energy. Boasting the finest strategy, yeah. Love is what I do, yeah. Best of my time, energy. Baby, without apology, yeah. Just to bring you this happiness. Is what I do, yeah. Best of my time, energy. Yeah. Love is what I do, Protección de la naturaleza, radio. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Hey, Paul. favor de la vida se empieza a ver tu raza. Oh, favor de la vida se empieza a ver tu raza. Damos gracias a ti, Panemo One. Damos gracias a ti, Panemo One. Ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne. E Panemo One, mo la su vichame. E Panemo One, mo la su vichame. Tanto kama si Panemo One, tanto kama si Panemo One. Ya ne ne ne, ya ne ne. De tu raza, orador de la vida, de piedad de tu raza. Damos gracias a ti, Panemo One. Damos gracias a ti, Panemo One. Ya ne, ya ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, ne, ya ne, ne, Waina manille, waina manille, wankatanka manille, ya tejelo, ya tejelo. Y recordamos, digo, la paternidad del sol y toda la familia de las estrellas en nosotros. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Thank you. de la naturaleza. Radio. Naturaleza de la gran virtud se halla seguir al Tao y solo al Tao. ¿Pero qué es el Tao? Es algo esquivo e impreciso. Esquivo e impreciso, pero contiene en su interior una forma. Esquivo e impreciso, pero contiene en su interior una sustancia, sombrío y oscuro, pero contiene en su interior una semilla de vitalidad. La semilla de vitalidad es muy real. Contiene en su interior una sinceridad inagotable. A través de los tiempos, su nombre ha sido preservado para recordar el origen de todas las cosas. ¿Cómo conozco la naturaleza de todas las cosas en su origen? Por lo que está en mi interior. De la naturaleza. Radio. What the alien voice in the psychedelic experience is the syntactical magic. We'll be right back. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. And it might sound nasty, but all this stuff is really good because we know how to cook it. Protección de la naturaleza, radio. no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor.